50 languages. 18 18 18 تنظيف المنزل. Faire le ménage. Faire le ménage. اليوم هو السبت. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Aujourd'hui, nous sommes samedi. اليوم لدينا وقت كاف. Aujourd'hui, nous avons le temps. Aujourd'hui, nous avons le temps. اليوم ننظف المنزل. Aujourd'hui, nous faisons le ménage dans l'appartement. Aujourd'hui, nous faisons le ménage dans l'appartement. أنا أنظف الحمام. Je nettoie la salle de bain. Je nettoie la salle de bain. زوجي يغسل السيارة. Mon mari lave la voiture. Mon mari lave la voiture. الأطفال ينظفون الدراجات. Les enfants nettoient les vélos. Les enfants nettoient les vélos. الجدة تسقي الزهور. Mamie arrose les fleurs. Mamie arrose les fleurs. الأطفال يرتبون غرفتهم. Les enfants rangent la chambre des enfants. Les enfants rangent la chambre des enfants. زوجي يرتب مكتبه. Mon mari range son bureau. Mon mari range son bureau. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Je mets le linge dans la machine à laver. Je mets le linge dans la machine à laver. أنشر الغسيل. Je mets le linge à sécher. Je mets le linge à sécher. أكوي الملابس. Je repasse le linge. Je repasse le linge. النوافذ متسخة. Les fenêtres sont sales. Les fenêtres sont sales. الأرضية متسخة. Le plancher est sale. Le plancher est sale. الأطباق متسخة. La vaisselle est sale. La vaisselle est sale. من ينظف النوافذ؟ Qui nettoie les vitres؟ Qui nettoie les vitres؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Qui passe l'aspirateur؟ Qui passe l'aspirateur؟ من يغسل الأطباق؟ Qui fait la vaisselle؟ Qui fait la vaisselle؟